qu'ils en aient autant. Oui, c'est beau de dire qu'on veut un meilleur monde, facile de le bâtir d'une vie vagabonde. Si dormir c'est pire qu'une bonne mère peut bien faire, qu'il reste au lit et que les jeunes travaillent après l'asta. Là-dessus je dors, là-dessus je dors. Fruits et le maire tiré de leur album Sainte quelque part. Je pense qu'ils sont déjà en train de travailler sur des maquettes d'un prochain album. C'est à suivre. Donc, je sais que Sainte quelque part était particulier, mais assez intéressant, merci. Donc, ça nous fait plaisir de faire tourner du Moon Fruits ici. Et on va suivre ça. Moon Fruits, nouvel album, peut-être d'ici un an. À suivre. On est rendu à notre bloc de musique instrumentale et cette semaine, je vous propose la pièce titre d'un album que j'ai reçu, que j'ai découvert comme ça sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. C'est une francescoise d'adoption qui a réalisé un rêve hein, de produire un premier album jazz. Je parle de Marie-Véronique Bourque. Marie-Véronique Bourque, retenez ce nom-là. L'album, ça s'appelle Une porte s'ouvre. Et puis, c'est vraiment intéressant. C'est un album jazz francophone ou jazz français. Elle joue du Michel Legrand, elle joue du Aznavour, du Nougaro. Mais elle a trois compositions sur cet album-là. C'est vraiment génial. Et elle est flûtiste. Elle joue de la flûte traversière. Et elle a composé la pièce-titre en compagnie de Michel Grégoire, qui est une pianiste jazz de Saint-Boniface. Donc, on va entendre justement Michel Grégoire dans quelques instants avec Diversity. Mais pour l'instant, voici Une porte s'ouvre. Marie-Véronique Bourque.